après tous ces virages, ce sermon de dernière minute ne me dit rien qui vaille. Je l'ai perdu, ne rêvons plus. Je suis un locuteur précoce. La première a marché si bien que je me suis montré trop pressé, trop pressant. Avec la seconde, j'ai bâclé les préliminaires, vite effeuillé la fleur. Maltraité la question du prix, la complication. J'ai trop négligé les petits pétales de la couronne.